Ça alors? Mais c'est Jean Lenoir. Oui, Georges. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu habites à Poitiers maintenant? Non, non. Je suis venu voir mes parents. Je suis arrivé ce matin et je pars lundi prochain. Mais et toi? Comment vas-tu? Très bien. Mais dis, il y a combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Voyons, 20 ans environ? Mais tu sais que tu n'as pas changé? Toi non plus. Quelques kilos de plus. Mais c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce que tu es devenu, l'intellectuel? Eh bien, après le bac, je suis parti à Marseille, à la fac, et j'ai fait une licence de maths. Maintenant, je suis professeur dans un lycée, dans l'Est, près de Strasbourg. Et toi, toujours sportif? Un peu moins maintenant. Eh bien moi, j'ai pas fait d'études universitaires. J'ai pas voulu. J'ai préféré le commerce. J'ai repris le bureau de tabac de mon père. Très bien. Et dis-moi, tu es marié? Tu as des enfants? Oui, je me suis marié très jeune et j'ai eu deux enfants. Un garçon et une fille. Moi non. Je n'ai pas eu de chance en amour. Mais t'inquiète pas, tu es jeune, beau. Oh, midi 10. Dis, excuse-moi, je suis pressé. Je vais chercher mon fils à l'école. Voilà ma carte de visite. Téléphone-moi. Je voudrais te présenter ma femme et mes enfants. Oh, avec plaisir. Entendu. Je te passe un coup de fil.